Y'a trop longtemps que je traîne ma peine par tous les temps. Y'a peu de bon temps, sur ces sons je paye mes têtes contents. Déjà trop longtemps que je représente pour tous mes gens. C'est pour eux que je chaîne ces rimes, que je rappe sur tous les thèmes, sur tous les temps. Tout est temps, pourtant la vie d'artiste je la fous les temps. Représente les frères qui traînent enfermés, cloués sur un banc. Si j'écris autant, c'est pour les petits, les grands. Ceux que je vois plus avec le temps, vu que le rap vole tout mon temps. Sans prendre de temps, je te rentre dedans, bousille les 32 lettres. Scrute mes yeux, c'est tout le miroir de mon âme, de tout mon être. Revenu par la fenêtre, à l'entrée je dérange. Je traîne parmi les anges déchus qui vendent la poudre d'ange. Alors j'avoue j'ai mal, quand je vois qu'on parle chez moi se joue des drames. À peine 12 pichailles et les mondes, ça joue les mal. Faut pas me saouler man, ok c'est bon, je rappe pour tous les man. Représente pour Abdel Hakim, François et Souleymane. Je représente l'image que me reflète le miroir. Otage du temps, auteur de pages aux écrits si noirs. L'envie de vaincre, personne pourra nous l'enlever. Plus qu'ils font semblant, s'il le faut, nous on le fait. Je représente l'image que me reflète le miroir. Otage du temps, auteur de pages aux écrits si noirs. L'envie de vaincre, personne pourra nous l'enlever. Plus qu'ils font semblant, s'il le faut, nous on le fait. Peu importe les codes postaux, on a les mêmes codes, le même argot, les mêmes cassos costauds, les mêmes assos à but non lucratif, les mêmes artistes, les mêmes poteaux qui veulent tous être plus créatifs. Je représente les miens, la famille, les amis, tous ceux qui me soutiennent depuis le début, merci. J'oublie pas d'où je viens, c'est un, j'amène, c'est dans la flamme. Moi j'ai dû quitter ma ville, loin des regards hautains. Je suis ce petit provincial, venu conquérir Paname, qui parle pas beaucoup mais fout le bordel dans les salles. On vient donner ça, c'est pour tous les banlieusards. Le remède, ça fait trop longtemps qu'on attendait ça. Represent, represent. Tous ceux qui portent le hip-hop gardent leur art propre, pur comme l'art prog. Represent, represent. Ceux qui font ça par passion, toujours du vrai son dans leur hip-hop. Je représente l'image que me reflète le miroir. Otage du temps, auteur de pages aux écrits si noirs. L'envie de vaincre, personne pourra nous l'enlever. Plus qu'ils font semblant, s'il le faut, nous on le fait. Je représente l'image que me reflète le miroir. Otage du temps, auteur de pages aux écrits si noirs. L'envie de vaincre, personne pourra nous l'enlever. Plus qu'ils font semblant, s'il le faut, nous on le fait. Je crache mes joies, mes peines, tous mes déboires sur ciment. Sinon quand même salut à ceux qui purgent encore leur peine. Ceux qui peinent à croire, ceux qui doutent et ceux qui me freinent. Je rappe sans frein pour les chiens, les vrais, ceux qui me comprennent. Là où règne la mauvaise humeur habituelle. Putain de poisse, il faut que je m'habitue à elle. Pour ceux, pour celles que la vie a blessés. Ceux que je retrouve dans le hall, là où je les ai laissés. À ceux dans le din, ceux qui tapent et ceux qui deal. Ceux qui tentent le diable et ceux qui à la table du diable din. Ces familles humbles qui essaye de rester digne. Les mômes qui écoutent du rap au rat des couilles portent le jean. Regarde bien, nos existences sont chaotiques. On aime l'arnaque, le crime et la vente de narcotiques. J'suis pas un saint, loin d'être un modèle de réussite. Simplement c'est pour ceux qui se reconnaissent dans ma musique. Je représente l'image que me reflète le miroir. Otage du temps, auteur de pages aux écrits si noirs. L'envie de vaincre, personne pourra nous l'enlever. Vu qu'ils font semblant, s'il le faut, nous on le fait. Je représente l'image que me reflète le miroir. Otage du temps, auteur de pages aux écrits si noirs. L'envie de vaincre, personne pourra nous l'enlever. Vu qu'ils font semblant, s'il le faut, nous on le fait. Département. 9-4. Le remède est en chacun de nous. Négative musique. Aïe. Represent. You got me.